Chapitre 2. Le lendemain, l'aube se levait à peine que l'étranger était déjà debout. En arrivant au château de Falsberg, il s'était retiré dans sa chambre et avait refusé de souper avec la noble demoiselle Edith, sœur du comte de Ribeaupierre. Depuis, ceux qui gardèrent le souvenir du passé se rappelèrent que cet homme ne s'était pas couché de la nuit et qu'ils avaient entendu ses pas retentissant sur les dalles. Il sortit de son appartement aussitôt qu'il fit jour et se mit à errer dans le manoir où tout dormait encore. Depuis une demi-heure, il demeurait pensif à l'une des fenêtres de la salle d'armes, embrassant du regard cette admirable plaine d'Alsace et le magnifique spectacle du soleil se levant dans les montagnes, lorsque le frôlement d'une robe de soie lui fit retourner la tête et il se trouva en face d'une belle jeune fille qu'il examinait attentivement. Elle rougit en se voyant surprise et lui fit la révérence pour sortir d'embarras. « Soyez le bienvenu, monsieur, vous qui nous êtes envoyé par notre oncle, le révérend chanoine, et racontez-moi ce que vous savez de sa santé. A-t-il moins souffert ce mois-ci de son rhumatisme ?»« Beaucoup moins, mademoiselle. » »« Il vous a donné cette lettre ?» ajouta-t-elle en montrant un papier ployé dans sa ceinture. « Lui-même, dans la cathédrale de Strasbourg. »« C'est bien. Et vous désirez vous rendre à Nancy par les sentiers de la montagne ?»« Oui, mademoiselle, pour éviter les deux armées. » »« Celle de M. Turan est loin, mais celle des impériaux. » Vous voyez d'ici briller le mousquet de leurs sentinelles sur les remparts de Turckheim. Que le ciel protège l'Alsace. Au milieu de ces grands états, elle ne peut être que la victime. Et pourquoi donc, mademoiselle? Pensez-vous que, si par hasard l'Alsace devenait française, elle aurait à se plaindre de cette réunion? Ne seriez-vous donc pas orgueilleuse et fière d'obéir au grand roi, au grand homme qui donnera son nom à ce siècle? Les Français ne sont point cruels, et je vous jure que si l'armée de M. de Turenne était là, à la place des impériaux, vous n'auriez point à vous en plaindre. Je vous crois, monsieur. Vous êtes mon hôte, je dois vous croire. Mais je ne sais rien de tout cela, moi, pauvre fille, élevée solitaire dans ce château. Je ne sais que prier Dieu pour mon pays et pour mon frère. Quand désirez-vous partir? Aujourd'hui même, si cela se peut. Je n'ai déjà perdu que trop de temps. Je vais donner des ordres en conséquence. D'ici là, monsieur, regardez-vous ici comme chez vous. Parcourez les salles, les galeries, elles vous offriront quelque intérêt. Wilfrid m'a dit que vous êtes un ancien militaire. Vous trouverez ici des souvenirs de gloire, et ils doivent être précieux pour un homme qui en a sans doute beaucoup pour son compte. Et s'inclinant légèrement, elle quitta la salle d'armes. L'inconnu se promena dans cette vaste galerie pendant quelques minutes encore après son départ, examinant l'un après l'autre, et d'un coup d'œil de connaisseur, les trophées suspendus aux murailles et les écussons qui décoraient les meubles. Mais son regard d'aigle se portait surtout avec une curiosité empressée sur la plaine qui se déroulait devant lui, sur le camp des impériaux, assis entre Turckheim et Colmar. Il semblait calculer les distances et resta longtemps enseveli dans ses méditations. On commença à faire du bruit dans le château. L'étranger ouvrit la porte de la grande salle, demanda à un domestique qu'il trouva dans le corridor le chemin de la chapelle et s'y fit conduire à l'instant. Cette chapelle présentait les caractères de l'antiquité la plus reculée. Les vitraux coloriées, les colonnettes à jour, les ogives du Moyen-Âge ne pouvaient laisser un doute sur l'époque de sa construction. Des tombeaux remplissaient toutes les chapelles. Les statues des comtes de Falsberg, des châtelaines de Ribeaupierre étaient ornées de pierres précieuses et de diadèmes. Aussi les clés des grilles restaient-elles entre les mains du majordome, qui, à l'aspect du nouvel hôte, s'empressa de les lui ouvrir. Il lui fit l'histoire de ses générations éteintes, dont il était le gardien. Il lui raconta les hauts faits des preux et les vertus des nobles dames. On eût dit un historiographe de la cour de France. Arrivé près de la plus sombre des voûtes, le majordome s'arrêta. « Entrez ici avec respect, monsieur, car ici est la destinée de la plus noble famille d'Alsace. Voici le tombeau de Wilfrid de Ribeaupierre, septième du nom. » Et voilà le fameux casque d'or qui sera enseveli avec le dernier héritier de la branche aînée. Fasse le ciel qui reste longtemps sous ma garde. Mais la prophétie de la vérité éclat effraie tout le monde. Le visage de maître Martin Serrurier, j'ai négligé de te dire que tel était le nom inscrit dans la lettre du chanoine, prit une expression singulière. Il entra, la tête baissée vers la terre, les mains jointes dans l'attitude de la prière et de la réflexion. « Peut-on toucher ce casque ? » demanda-t-il après avoir admiré longuement les ciselures et les pierreries dont il était couvert. « L'usage est de le laisser voir aux visiteurs de distinction qui viennent ici. on leur permet même de l'essayer, puisqu'une fatale légende annonce la destruction de ce château lorsque le homme aura trouvé un fond assez robuste pour le porter sans fatigue. Maître Martin souleva deux fois le casque à la hauteur de sa tête. Deux fois ses bras retombèrent. Une grande pensée semblait l'agiter. Enfin, comme faisant un effort sur lui-même, il leva la visière, ouvrit le gorgerin et essaya la magique coiffure qui se trouva juste à sa mesure et qui ne fit pas ployer d'une ligne son cou nerveux. L'intendant leva les bras au ciel, jeta un cri et se prosterna la face contre terre. « Malheur à la maison de Ribeaupierre !» répondit une voix qui sortait de derrière une colonne. Et l'ombre de Thécla se projeta sur le casque, sur la statue, sur Maître Martin, dont le trouble augmentait de plus en plus. Faisant un effort sur lui-même, il releva le majordome en souriant. « Nous venons que vous avez peur d'un pauvre marchand de fourrure, pacifique et ennemi de la guerre. Pouvez-vous croire que je sois dangereux pour votre maître? Fille, vous lui faites injure, ne parlez point de cet enfantillage, croyez-moi, il est inutile d'effrayer mademoiselle de Ribeaupierre pour si peu de choses. » L'intendant ne répondit que par une profonde inclination. Superstitieux comme tous les Allemands, il regarda dès lors le mystérieux étranger avec une crainte respectueuse. Sa fidélité de vieux serviteur s'inquiéta de ce funeste présage. Néanmoins, il garda le silence sur l'événement de la chapelle, ce secret lui paraissant trop important pour ne pas le conserver en lui-même. Mais il ne douta pas un instant du malheur de ses maîtres et pleura d'avance sur cette famille à laquelle il avait dévoué sa vie. La messe et le déjeuner réunirent Maître Serrurier et ses hôtes. Édith l'accabla des soins et des prévenances qu'elle croyait devoir au protégé de son oncle. Après le repas, le comte de Ribeaupierre lui annonça que tout était prêt pour son départ. « Je ne vous accompagnerai point, monsieur. Il faut que je retourne à Turckheim. Ma présence y est nécessaire. Lorsque hier au soir vous êtes venu réclamer mon secours au nom de mon vénéré parent, lorsque vous m'avez supplié de vous cacher à tous les yeux dans la crainte des reîtres, dont nos troupes sont malheureusement composées en grande partie, je vous ai donné ma foi de gentilhomme que vous arriveriez sain et sauf à Nancy. Vous pouvez vous reposer sur moi, sur les guides auxquels je vous confie. Vous allez être initié au secret intime de nos montagnes. Mais vous n'êtes point un espion, je pense. On peut se fier à votre honneur. Vous ne nous trahirez pas. » Maître Martin releva vivement la tête à ces mots. Il fut un instant avant de répondre. Tout à coup, sa physionomie changea complètement. Son air commun fit place à une dignité remarquable. Il avança la main vers son hôte comme pour faire un serment et lui dit « Je vous remercie, monsieur le comte, j'ai changé d'avis. Je n'accepte pas les guides que vous m'offrez, je n'en ai pas besoin. L'hospitalité généreuse que j'ai reçue ici, la noble confiance que vous m'avez montrée ne sortiront pas de mon souvenir. Il se peut qu'un jour je sois à même de vous en prouver ma reconnaissance. Je pars seul. Retournez à votre commandement, vous êtes digne de le conserver, car vous avez un cœur généreux et vous êtes brave. Merci aussi, mademoiselle, de votre bon accueil. Fasse le ciel que vous soyez heureux toujours, dignes enfants de la maison de Ribeaupierre. Si les bénédictions de l'étranger portent bonheur, les miennes vous suivront partout. » Le comte et Édith restèrent étonnés des paroles qu'ils venaient d'entendre. Le marchand les salua et sortit sans qu'ils songeassent d'abord à le retenir. Un instant après, Wilfrid se frappa le front et courut sur ses pas. L'inconnu montait à cheval quand il le rejoignit. « Un instant encore !» dit le comte. Maître Serrurier le suivit dans la salle d'armes. « Monsieur, vous êtes mon hôte. Me préserve le ciel d'avoir aucune méfiance de mon hôte. Mais votre conduite est étrange. Vous partez seul lorsque je vous offre des guides. Vous allez vous mettre en chemin dans un pays que vous ne connaissez pas, quand vous n'êtes venu à moi que pour chercher ma protection. Pardonnez-moi si je vous parle ainsi. Dans un temps comme celui où nous vivons, lorsque tant d'ennemis nous entourent, je ne saurais trop prendre de précautions. Vous ne me quitterez point. Vous ne sortirez pas de ce château que je ne sache bien positivement qui vous êtes. » Maître Martin Serrurier, marchand de pelleterie à Paris, rue des Fourreurs, recommandez vos soins par le révérend chanoine, votre oncle. Pardonnez-moi si j'en doute. Je suis chargé de grands intérêts. Je défends Turckheim. Monsieur le comte, il faut que je parte. Cela ne se peut plus. Il le faut, vous dis-je, quand je devrais employer la violence. On m'attend. « La violence? Vous êtes seul contre nous tous. Jeune homme, écoutez-moi. Vous êtes bien jeune? Et la jeunesse a des instincts d'honneur que la corruption efface plus tard, hélas. Vous entendrez la vérité. Je vous jure sur le Christ, que je ne suis point un traître. Je vous jure que votre confiance n'est point mal placée. Je refusais de connaître vos secrets et je m'en vais seul. Si le hasard me fait découvrir ce que je cherche, ce sera la volonté de la Providence, mais je ne vous en rendrai pas complice. Plus tard, nous nous reverrons. Je m'expliquerai davantage. Aujourd'hui, je ne dois vous dire qu'un seul mot. Laissez-moi partir, je ne vous trompe pas. « Eh bien, monsieur, dut-il m'arriver des malheurs affreux, dussé-je être regardé comme un fou ? Je ne sais pas résister à cette accent de vérité qui règne dans vos paroles. Vous êtes libre. Que le ciel vous punisse si vous me trompez. » « Bien, bien, monsieur le comte, voilà qui prouve la noblesse de votre âme. Soyez sans crainte, vous ne serez pas trahi. Une dernière faveur, en souvenir de notre rencontre, changeons d'épée. La mienne est moins brillante que la vôtre. Cependant, elle a également son prix, croyez-moi. Je ne serai pas confiant à demi. J'accepte. Adieu, monsieur. Bon voyage et bonne chance. Si nous nous revoyons, vous serez peut-être moins mystérieux. » L'étranger le salua de la main, monta à cheval et partit au galop.